Pourquoi quand on se lève parfois on est triste pour rien, on a le moral à zéro et on dirait qu'on n'y peut rien. C'est n'importe quoi, il faut se lever en remerciant le Seigneur à genoux, reconnaissant tout ce qu'il nous donne. Et toujours se dire qu'il y a pire que nous, on croit parfois on sent si seul, on se dit que personne nous comprend. Et dans la tristesse on s'isole jusqu'à finir en pleurant. C'est n'importe quoi car c'est notre choix de se renfermer sur nous-mêmes, mais choisir de s'ouvrir au monde. Et notre vie ça en vaut la peine. Mais pourquoi est-ce qu'on pense tous qu'avant c'était mieux, qu'à l'époque de notre enfance on était plus heureux. C'est n'importe quoi cette nostalgie, car ce que tu sais pas c'est que les meilleurs jours de ta vie ils sont devant toi. Pourquoi est-ce qu'on se fait tant de soucis pour l'avenir? On se projette dans le futur et on s'inquiète à plus dormir. C'est n'importe quoi parce qu'on sait pas ce qui se passera aujourd'hui. Alors vis dans le moment présent, laisse le bon Dieu gérer ta vie. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont. Pourquoi on arrive mieux à résoudre les problèmes des autres alors qu'on bute et puis on bloque souvent pour résoudre les nôtres. C'est n'importe quoi parce qu'à part Dieu, personne te connaît mieux que toi. La solution à tes problèmes, cherche au fond de toi, tu la trouveras. Et pourquoi c'est si facile de repérer chez les autres tous les défauts qu'ils ont alors qu'on voit pas les nôtres. C'est n'importe quoi parce que devant nous, si parfois y'avait une glace, on n'en reviendrait pas que c'est nous et on se dirait qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi être souriant avec une caissière de Carrefour si on revient un tyran à la maison dès notre tour. C'est n'importe quoi d'être plus gentil avec les personnes de dehors et de traiter avec des cris ceux avec qui tu dors. Pourquoi parfois on s'entête à essayer de changer les gens. On les conseille, on voudrait tant qu'ils soient comme nous, on les reprend. C'est n'importe quoi ce qu'il faut faire, c'est leur montrer le droit chemin. Les aiguiller puis laisser faire, surtout pas leur forcer la main. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont. D'argent. Quand on a de quoi manger pour nous, c'est pas suffisant. C'est n'importe quoi parce que tant que t'as, subvenir à tes besoins. Sois heureux avec ce que t'as et pense à tous ceux qui meurent de faim. Et pourquoi on s'aperçoit que lorsqu'on a plus la valeur qu'avait une chose que l'on a perdue. C'est n'importe quoi de penser ça, car si t'as quelque chose qui s'en va, c'est que c'était pas pour toi, l'avenir te le confirmera. Et pourquoi notre mode de vie est si rapide tout le temps. Avec ce qu'on doit faire, on s'étouffe, on prend pas notre temps. C'est n'importe quoi de vouloir faire toutes les choses en même temps. Tu vas finir par craquer et rien faire correctement. Quoi quand on obtient ce qu'on veut, on veut toujours plus. Et tout ce qu'il y avait dans nos rêves, on s'en lasse, on n'en veut plus. C'est n'importe quoi de penser ça et rappelle-toi quand t'avais rien. Merci Dieu pour tout ce que t'as, pense à tous ceux qui n'ont rien. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont. Pourquoi, pourquoi on se pose toutes ces questions et on n'arrive pas à comprendre toutes nos réactions. Des fois nos pensées nous emmènent au-delà de notre compréhension. Faut écouter que les plus saines, les autres les laisser où elles sont.